On va commencer la journée avec Jérémy et son tuto sonique. On espère que vous êtes prêts à 10h du matin pour les tutos soniques feu d'artifice de Jérémy. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un tuto sonique un peu particulier puisque nous sommes en présence de Luna, qui est un border collie, qui est venu nous rendre visite. Et Jérémy s'est dit que ce serait peut-être l'occasion de faire quelque chose spécialement pour elle. Tuto Sonic. Bonjour et bienvenue dans Tuto Sonic, les tutoriels de musique. Alors aujourd'hui, Tuto Sonic un peu spécial, un peu plus tôt d'ailleurs, parce que ensuite je dois partir et je ne serai plus là à la suite du festival, ce qui m'embête un peu, mais c'est pas grave, c'était quand même super de travailler avec vous. Merci. Alors aujourd'hui, je me suis dit, effectivement, on a ce chien, Luna, qui fait un peu la tête, là, dans son coin, mais c'est pas très grave. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Alors j'ai pensé effectivement à la restitution sonore et surtout aux fréquences, c'est-à-dire que l'oreille humaine capte de 20 à 20 000 Hz les fréquences. Au-delà, on n'entend plus rien et même avec l'âge, ça diminue. Et par exemple, il y a ce système qui avait été mis en place à l'époque. Ah ouais, merci. Qui s'appelait le Mosquito ou le Beethoven, qui était une espèce de boîtier anti-jeune qui diffusait des sons ultrasons au-delà de 16 000 Hz et qui permettait, placé à certains endroits, d'empêcher les jeunes de venir s'installer parce que c'était trop fort et c'était dérangeant pour eux. L'audition du chien, lui, par contre, son audition, elle s'étend jusqu'à 60 000 Hz. Donc c'est vraiment beaucoup plus haut que l'oreille humaine. C'est bien que les Beatles, en 1967, dans leur album Sgt Pepper, ont proposé d'étendre l'écoute pour les chiens aussi sur l'album, en ajoutant des fréquences d'environ 15 000 Hz, c'est un peu plus, pour que votre chien, quand vous écoutez Sgt Pepper, votre chien puisse aussi profiter d'une certaine manière de la musique et écouter des choses que vous, peut-être, vous n'entendez pas. Alors petite expérience aujourd'hui, donc j'ai repris une chanson de cet album qui s'appelle « A Day in the Life ». Alors j'espère qu'on n'aura pas de problème de copyright. Et il y a un moment où vraiment il n'y a plus de musique, on n'entend que des espèces de fréquences d'ultrasons. J'ai repris ce bout-là que j'ai mis en boucle. Et donc on entend des ultrasons. Alors je ne sais pas si Rudy, tu peux nous diffuser cet enregistrement. Voilà. Et il passe. Là il passe, ouais. Alors c'est marrant parce que moi je l'entends un petit peu. Il y a Simon qui l'entend très fort. Ah ouais, on entend. Et là, Simon, t'entends toujours. Et je ne sais pas si vous, chers auditeurs, vous l'entendez ou pas. Moi, j'entends rien. Simon, qu'est-ce que tu entends en fait? Tu peux. Ouais, je pense que c'est assez fort. Un acouphène assez puissant pour Simon. Pour les connaître. Voilà. Et maintenant, on va demander à Luna ce qu'elle en pense. Luna, viens là. Ouais, toutou. Et viens là. Alors, tiens. Luna, viens. Luna. Alors, qu'est-ce que tu penses des Beatles? Non. Tu t'entends la musique un peu? Là, t'es pas très bavard, non? Peut-être, tout. Plus fort, non, mais... Peut-être on peut mettre un peu plus fort, mais c'est déjà assez fort, je trouve. T'entends un peu? Simon se bouche les oreilles bientôt. C'est marrant parce que tout à l'heure j'avais l'impression de l'entendre, mais alors là j'entends plus rien du tout. Enfin, j'ai juste une sensation désagréable dans les oreilles. Mais... Moi aussi, mais j'entends rien. Ça, c'est sûr. J'essaie de m'auto-convaincre que je l'entends. Mais je peux ventiler quelque part. Ah non, ça c'est l'émetteur radio. Oui, il y a un émetteur FM sous la table. Ah, c'est pas ventilé. Tant que ça. Bon, ça n'a pas vraiment l'air de... Mais je crois qu'elle n'aime pas trop les Beatles, en fait. Peut-être c'est ça. T'as pas un autre morceau Ouais, je vais essayer de voir. Peut-être qu'ils préfèrent la musique classique. Je crois que les chiens, ils aiment bien la musique classique. Peut-être Schubert, je ne sais pas. Ok, voilà. Bon, alors, c'était tuto Sonic. émission un peu spéciale canin. Je crois que Luna, aujourd'hui, elle va avoir un peu moins de croquettes. Ouais, c'est ça. Tu. Merci. Tuto Sonic. Bon, et bien, c'était un tuto Sonic express aujourd'hui. Exactement, oui. Quand même pédagogique, comme d'habitude.